C'est ça l'odeur, frérot. Eh ouais. Ouverture du rideau, voilà, signe de rime en impro. Tu nous prends pour des rigolos, c'est pas faux, notre chico est rigolo. Eh mec, c'est de la pure, c'est de la bonne. Vas-y, range-toi, regarde-moi, c'est pas ça qui m'aura. Je suis pas dans le même délire que toi, tu vois, moi c'est le forfait, connerie, délire toute la nuit, y'a pas de prise gratuite par ici sur les skis, glisse, kiss, mi belle, miss beach. Et toi, mon petit gars, dans ta vie, tu fais quoi? Bah toujours un stick entre les lèvres, comme la trique tous les matins qui te lève. Pas de zik final, infection, ça fait mal comme l'érection matinale. On est les déclencheurs qui ouvrent ta grande gueule. L'artifice qui explose, t'expose, pas de prose, pas de grosse. Et si mon délire t'intéresse pas, tire-toi, reste pas là, garde-la pour ta biatch. Je cherche pas de cash, cache, pas de cash. Donc pas de passe encore, un son gros lourd de passe. Passe, si passe, pas de sas, des bras, des entrées, qu'un mange sas pour toi. Bah tu l'as voulu comme ça, qu'on se formate à toi. Que on reste là, c'est par là, ma voix. Je reste là, je tape pas, motive-toi, parle pas, casse pas, reste ça, c'est par là. Pas de star, pas de dollar, pas de ragla, t'es à moi. Eh. Tu croyais que c'était fini, t'as pas compris, c'est le départ, accroche-toi. Braquage en haute voix, c'est par là, je suis le poil à gratter qui vient te faire chier, taquiner. Je suis cette mouche qui t'empêche de pioncer, une envie d'éclater. C'est pas grave, pleure pas, c'est un texte, gars. Je suis comme un ovni qui arrive dans ta vie. Des ordres à l'affiche et zik à l'appui, on va rire. C'est l'instru que je modifie, un cauchemar pour tant de rimes. Mais un contrat que je garde, t'inquiète, viens continue comme ça, qu'une envie me marrer, à chanter, écraser ces piquets qu'on m'a planté. Quand j'arrive, mon troupeau, si nombreux que ces flocons sur le toit de mon studio. On encaisse, pas grosse caisse, y'a pas de pleine caisse. Largue une caisse, vide-toi, t'iras mieux, gars. C'est la caisse, t'as vidé toute la pièce. Personne reste infect, mec, tu restes alors crève. Crève. Vas-y, pousse, t'arrives pas à nous sortir. On est plus dur que la merde qui vient de faire plouf. Eh ouais. Tu l'as voulu comme ça, qu'on se formate à toi. Que on reste là, c'est par là, ma voix. Je reste là, je tape pas, motive-toi, parle pas, casse pas, reste ça, c'est par là. Pas de star, pas de dollar, pas de ragla, t'es à moi. Vas-y, pousse, vas-y, largue. Même avec l'odeur, on reste là. On te fait mal aux amygdales et au foie. Oh là, t'es vraiment pas bien là. Allez, voilà, on t'a achevé, gars. Rentre chez toi. Tu l'as voulu comme ça, qu'on se formate à toi. Que on reste là, c'est par là, ma voix. Je reste là, je tape pas, motive-toi, parle pas, casse pas, reste ça, c'est par là. Pas de star, pas de dollar, pas de ragla, t'es à moi. Tu l'as voulu comme ça, qu'on se formate à toi. Que on reste là, c'est par là, ma voix. Je reste là, je tape pas, motive-toi, parle pas, casse pas, reste ça, c'est par là. Pas de star, pas de dollar, pas de ragla, t'es à moi, ça dure, Inch'Allah. Machallah. Signe de rime, frolo. Bande de clochards. 2008, entre le style et la zik, sale odeur, frérot.